voici, en fin d'après-midi. Tout arrive une meuf, je sais pas ce qu'il lui a pris. Elle commence à me les gonfler, à me raconter sa vie. Alors je lui ai dit, vas-y dégage d'ici. Nous on peut pas toi ici parce qu'on est cool. Nous on est cool. Nous on est cool. Yeah yeah yeah. T'avais remarqué, nous on est cool. Oh yeah. Une jolie fille arrive, à peine elle m'a capté. Je lui fais de l'effet, elle en tombe à mes pieds. C'est trop facile, quant à le style, je suis le plus habile et le plus viril. On est tellement cool que ça te fout les boules. Nous on est cool. Oh yeah. Nous on est cool. Hey hey hey. Remarqué, nous on est cool. Oh yeah. Remarqué.